excitant de me voir sur écran. Je joue les stars à la télé et tout le monde me reconnaît. On a des sourires à la derrière les sponsors et les codes de la jolie boîte à bonheur. Le tumulte incessant qui court sur la planète, ça fait bouger les gens, ça fait tumulte incessant.